Château Gontier-Bazouges, marché de Noël 2015, samedi 12 décembre, 10h-19h, dimanche 13 décembre, 10h-18h. Promenade de la Résistance. Plus de 80 exposants, promenade en calèche, orgue de barbarie, collecte de jouets, rencontre avec le Père Noël, sculpture sur ballon, lecture de contes à la médiathèque, etc. Renseignements 02 43 09 55 63 ville.chateaugontier.fr.